Le nid d'hirondelle, par Marceline Desbordes-Valmore. Elle demeura seule et rêveuse, après que son oncle fut sorti pour tenter la vente de son petit paysage. Longtemps à la même place et debout, ses yeux retournèrent plusieurs fois vers cette toile protégée du mystère. Et puis, elle s'en éloigna lentement. Et puis, elle nettoya son esquisse de la veille, afin d'étonner son oncle et de le voir content au retour. Ce qu'elle caressait le plus et réussit le mieux dans la parure de cette tête de mort, rendue avec une grande intégrité de forme et de couleur, ce fut une touffe de lilas qui pendait en couronne sur l'ivoire morne et saillant du front. Ce débris sans âme, au milieu de fleurs épanouies, semblait nager dans les parfums de la vie. C'était un jour de grande fête. Elle travaillait, au bruit monotone de toutes les cloches de Paris. L'immense carré vide que formait alors l'ancien couvent des Capucines séparait ces autres arts du tumulte incessant qui plane à hauteur d'homme dans les rues bourdonnantes et assourdies de la grande cité. On y entendait les bruits du ciel. Elle travaillait donc les jours de fête, à l'exemple du maître, parce qu'elle savait respecter la cause de cette apparente irréligion. C'était le culte et l'adoration de son oncle pour Raphaël. Il se le représentait alors au Vatican de la pieuse Rome. Les cloches tiennent tant de place dans le luxe religieux de Rome. Raphaël avait donc peint souvent au bruit pompeux des cloches. Leur son inspirateur l'avait détaché des bruits vulgaires du monde, comme une grande voix qui prit entre la terre et le ciel. Dans ces moments, sans doute, Raphaël créait ses anges et leur donnait les formes suaves, entrevues dans les rêves divins d'une âme profondément éclairée de la prescience de la vie. Quand les cloches manquaient à M. Léonard, il chantait, car il avait la voix belle et vibrante, et la musique italienne, dont il avait fait une étude d'amour, permettait à son âme rêveuse de se révéler dans cette mélodie qui dit moins et qui exprime plus que la parole. Le charme penseur d'un accent musical pénètre l'air et se répand, sans comprendre sa céleste puissance. Le rossignol s'écoute en frissonnant. Il s'arrête quelquefois de chanter pour ne pas mourir de tristesse. Telle une jeune femme, dont le nom pouvait devenir cher aux arts, fut condamnée à se taire, dans l'impossibilité d'entendre et de supporter ses propres chants d'une mélancolie enivrante, réagissant avec tant d'empire et de force sur son cœur qu'elle pâlissait, fondée en larmes, et souvent finissait par perdre connaissance. La voix de M. Léonard était religieuse. Son écolière l'écoutait attentive jusqu'à ce que la nuit tombât sur leur tableau et finît l'enchantement de la peinture. Souvent, broyant ses couleurs, en les distribuant sur la toile, la jeune fille se détournait pour essuyer ses yeux, car M. Léonard avait la voix de son père. Il ne savait pas quel pieux et triste souvenir il éveillait en elle. Il ne savait pas qu'autrefois, quand elle était sur les genoux de son père, où on la croyait endormie, elle sentait son cœur se fondre et ses joues se couvrir de larmes, à ce titre sensible et sonore qui tremblait dans son oreille. « La voix de Dieu sera comme cela », pensait la jeune fille qui savait ses prières. Et sous le voile de ses cheveux blonds, elle se pressait sur la poitrine puissante de son père, comme si elle lui dit « Mon père, priez pour moi ». Ainsi, cette voix retrouvée la faisait passer sous toutes les vives impressions du premier âge. Elle revoyait une rue flamande, calme, silencieuse, animée seulement en été par leurs concerts de famille, où le soir, autour de l'humble porte verte, on était assis sur la fraîcheur du seuil, formée d'une vaste pierre unie et bleue. Puis, revenait l'aspect mélancolique d'un cimetière qui s'ouvrait à la droite de l'agreste maison. Souvenir de paix, de l'innocente union d'une famille alors entière, maintenant défaite, errante, amoindrie. Vous lui rappeliez toujours qu'elle était orpheline, que la vie pour elle, ce serait l'isolement, l'étude, le goût solitaire des arts. Et cette vie commençait à 15 ans. Devait-elle toujours lui suffire? Oui, oui, répondait-elle ce jour-là. Plus distinctement à elle-même, j'avancerai sans lever les yeux. J'apprendrai la perspective pour mes tableaux seulement. Je passerai en m'oubliant dans le monde, dont je peindrai de loin quelques scènes animées. Elles seront pour ma sœur, pour mon oncle et... pour mon oncle et pour ma sœur. Je ne connais que, plus rien que... Je peindrai les enfants, c'est beau les enfants. Je peindrai ceux de ma sœur endormie sur ses genoux. Oh, j'ai bien du bonheur devant les yeux, dit-elle en les détournant de la tête de mort, et les y reportant sans cesse. Oh oui, ma vie coulera comme de l'eau sous les arbres. J'aime l'eau, je peindrai le paysage. On dit que rien ne calme mieux l'insomnie que de se figurer seul, au milieu d'une campagne verte, arrosées par des courants d'eau pure. On les regarde, on les écoute frémir dans les grandes herbes qui en sont lavées. Une fraîcheur idéale d'abord, puis réelle, passe sur le front et coule dans le cœur, et l'on s'endort. Je l'ai senti. J'ai bu cet innocent opium quand j'avais du chagrin, qui me donnait la fièvre. Oh, que j'ai eu du chagrin, mais je n'en aurai plus. Je serai heureuse de peindre, et je peindrai pour être heureuse. » Un soupir profond l'arrêta. Elle releva ses yeux sur le triste modèle, qui semblait l'écouter, et la regardait aussi. Par degrés, son cœur la serra. Son pinceau refusa d'obéir. Elle cacha son front dans ses mains et fondit en larmes. « Il faut que j'écrive à ma sœur, » dit-elle en s'élançant comme pour fuir le fantôme. Elle revint pourtant se placer devant lui, mais ne le regarda plus en écrivant. « Vous souvenez-vous, ma sœur, sous le grand toit de notre cour, vous souvenez-vous d'un nid d'hirondelle ? Selon l'opinion de mon père, il portait encore bonheur à notre maison dont la paix commençait à chanceler sous les orages. Je n'ai jamais osé chercher à approfondir les causes, ici même. C'est comme si je vous en parlais à l'oreille, tant j'ai peur d'éveiller rien de ce qui pourrait trop me l'apprendre. Mais ce nid d'hirondelle, ce pauvre nid, je vais vous le rappeler, comme une des images restées le plus au fond de mon souvenir de ce temps-là, de ce temps indécis et triste, qui me retrace pourtant toutes vos figures aimées, comme des portraits que je retrouverai au fond d'un tiroir. Je rentrai, une fois de l'école, ivre de cette joie bondissante qui semblait toujours alors mettre des ailes à mes pieds. Ma sœur, vous souvenez-vous? Il ne faisait pas nuit, mais le jour n'avait plus d'éclat dans notre grande cour si propre, au pavé gris, où il y avait de l'herbe. Je crois me rappeler qu'un air et un goût d'orage succédaient à une journée chaude et pleine de soleil. Car c'est à travers ces teintes que j'ai vu, que je vois encore, ce qui nous jeta tous dans un étonnement consterné. Vous étiez assis sur l'escalier de pierre qui descendait dans la cour. Vous faisiez les ourlets d'un bonnet de gaz pour le lendemain, une fête. Sans être encore arrivé jusqu'à vous, je vous criai haletante. « Ah, bonjour, c'est toi !» Vous me répondîtes, affairée et contente. « Ah, bonjour. Voilà mon beau bonnet. Tu reviens ?»« Oui. Où est maman ?»« Où est mon frère et mon père ? Et tout le monde ?»« Là, là et là ?» me dites-vous en me montrant la salle à manger, le pavillon plein de fleurs, au-dessus du large escalier, et la grande porte ouverte sur la rue. Je levai la tête vers la petite terrasse qu'on appelait la plombière, et je vis maman penchée pour nous regarder. Je tendis les bras avec amour. « Oh, maman, bonsoir, me voilà !» Elle sourit avec ses yeux si attirants, si clairs, si bleus. Le ciel allait toujours se couvrant. Mais nous étions bien tous ensemble sous le même toit. Là, mon père, sur le seuil, là-haut, maman, que je voyais aller et venir, à travers des flots de linge blanc, comme la fleur des prés, disait-elle avec son orgueil de bonne ménagère, et le pliant dans des corbeilles pour le rentrer dans ses armoires luisantes. Vous, ma sœur, douce et heureuse, vous faisiez votre ouvrage de jeune fille. Moi, enfant, je rentrais de l'école dans la maison bien-aimée. Nous étions bien. Malgré le nuage qui pendait sur la rue et rendait les murs blafards, malgré les cris qui sortaient, d'abord rares et plaintifs, et puis après, plus aigus, plus pressants, du nid d'hirondelle. Palladium tremblant, comme j'entendais dire mon père, mais où s'appuyaient toutes nos superstitions de bonheur. Vous souvenez-vous que les cris devinrent bientôt si âpres, si perçants, qu'ils attirèrent un par un tout ce qu'il y avait d'être vivant dans notre maison, et que chacun devint curieusement spectateur d'une lutte étrange qui s'établit entre les habitants du nid, ménage depuis quelques jours moins harmonieux et souvent querelleur. La femelle avait fui sur un toit voisin d'une autre, qui s'élevait, je le vois encore, à une hauteur prodigieuse pour mes yeux de 7 ans. Le mâle tenait sa place au nid, et couvrait ses petits de ses ailes étendues, jetant des regards fréquents et pleins de reproches vers le toit, d'où la fugitive le regardait aussi, sans bouger. Quelquefois, après une contrainte convulsive, il s'élançait jusqu'à elle, tournait comme pour l'envelopper, se posait un moment pour discourir et plaider, on l'eût dit, au battement de ses ailes, au mouvement agité de sa tête, au son énergique qui enflait sa gorge. Puis il renvolait à grand essor, comme pour entraîner et ramener sa compagne au nid où il rentrait, le cœur palpitant, les yeux ardents de colère et de ressentiment, mais seul, toujours seul. 5 à 6 voyages se renouvelèrent inutiles, pleins de sollicitudes, de prières, de menaces, inutiles, toujours inutiles. Et la fixant enfin d'un œil désespéré, la fureur parut s'emparer de lui et faire trembler ses ailes avec tout son corps qu'il appuie à peine sur le bout du nid déserté. Il arracha lui-même des plumes de sa poitrine qui tourbillonnèrent dans la cour. Puis il poussa des clameurs d'une inconcevable tristesse qui parut répandre une telle alarme parmi ses enfants qu'ils se prirent à crier eux-mêmes, en aveugles qu'ils étaient encore, et à s'agiter comme pour se sauver de quelque grand danger qu'ils ne comprenaient pas. Leur mère, impassible, sans mouvement, « Mon Dieu, souvenez-vous-en donc, ma sœur, regardait froidement cette perturbation saisissante et demeurait loin, enveloppée avec ses ailes fortement ployées sur son corps, les amoncelant sous elle, comme pour prendre un pied immobile sur les ardoises que de larges gouttes de pluie rendait très glissante. Le temps avait la fièvre. Toute nos têtes étaient en l'air. Tous nos visages restaient avidement tournés vers cette scène neuve, inexplicable, et mon père attentif, plus sérieux qu'il n'était d'ordinaire, disait de temps à autre « C'est étrange, c'est triste, quelque chose singulière. Voyez-vous ma femme » poursuivait-il en regardant d'en bas ma mère qui croisait ses mains avec une pitié profonde et une admiration désolée. Était-ce l'orage qui la faisait paraître pâle et terne, elle, si belle, si brillante toujours, si rose? Ma sœur, sous la forêt de cheveux blonds dont le poids adorable s'échappait souvent des fines dentelles qui la paraient. Que j'aimais ma mère, ma sœur, où est ma mère? Je me sens à genoux devant son souvenir. Quelle suite et quelle liaison d'idées fondues ensemble ont depuis incrusté fortement son image dans cette scène d'hirondelle et d'orage. J'en ai froid. Et vous, surtout? Surtout en me rappelant mon père qu'il aimait avec une passion si grave, si sainte, si fidèle. Surtout en me rappelant ce nid où le mal abandonné se livra tout à coup à une douleur si frénétique et si puissante qu'après avoir décrit plusieurs cercles de son voile irrégulier, nerveux, dans un silence imposant et lugubre, il se plongea tout entier dans le nid de ses pauvres jeunes, qu'il saisit d'un bec inflexible et déchirant. Remonta alors 4 fois vers le ciel. Hélas, il avait 4 enfants. Et comme pour rendre leur chute plus sûre, plus profonde et plus mortelle, il précipita les nouveau-nés de toute la hauteur de son essor sur le pavé de notre cour, où ils s'écrasèrent tous, à mon désespoir. Et vous tous aussi, vous vous mîtes à crier, à courir, comme si vous y pouviez quelque chose. La tendre nichée ne bougea plus. Le mâle triomphant, lui, remonta hérissé, frissonnant de toutes ses plumes, se posait devant sa femelle pantelante, pétrifiée d'horreur. Mais qui, furieuse à son tour, se jeta dans l'air sombre, sillonné d'éclairs, et se mit à le poursuivre avec une vélocité prodigieuse, surmontant les cris d'une horrible victoire par ses cris de mère et des imprécations à déchirer son gosier. Je vois, j'entends, j'éprouve encore qu'après avoir tous deux sifflé, tournoyé l'un sur l'autre jusqu'à nous éblouir, ils disparurent et qu'il tonna. Le lendemain, il y avait des plumes et du sang par terre, et le nid détaché était tombé sur les pierres. Peu de temps après, je naviguais avec ma mère, seulement ma mère, vers l'Amérique où personne ne nous attendait. Elle était muette, cette mère si charmante. Elle était loin de vous tous, avec moi, son plus jeune et son plus frêle enfant. Nous nous regardions avec épouvante, comme si nous ne nous reconnaissions plus. Elle me serrait le bras, elle me collait contre elle à chaque roulis de cette maison mouvante, fragile et inconnue, dont les mouvements la faisaient malade à la mort. Et enfin, ma sœur, après 3 mois encore, je revins seul, vêtu de noir, n'osant plus me bouger dans le monde où la mort tourne toujours, comme l'hirondelle furieuse. J'avais tremblé sous mon premier habit de deuil, et à présent, tout à fait orpheline, me voici chez mon oncle qui croit que je serai peintre et que je serai heureuse. Elle cessa d'écrire. C'était Le nid d'hirondelle, extrait de La jeunesse de Marceline, par Marceline Desbordes-Valmore.